Woo! Enough. Thank you, James. Gizzo. Jandy Dan. Afro Congo. Hey, mon amour. Congelo Mide. Yeah. DJ Quadra. Je m'appelle Inali. C'est le DJ, mon papa. Bayaya, le lone, le lo, et goyina. Bada. Musique, et la boye, pisa, DJ, amadisa. DJ, amadisa. Les filles sont sexy. Bien parfumé, c'est pas pour rien. On va assumer, on va animer, on va dépasser, envie de s'éclater. Hello baby, come to me, show me what I want to see. I'm good for money, my name is Nobi. I want to spend it. I'm good for money, my name is Nobi. Faut pas vous inquiéter, on va vous donner un lift. Maintenant on va sur la piste. Je suis encore blindé, vous pouvez tout commander. Ma poche n'est pas limitée. Vous avez appelé à Quadra. Je vais assumer, je vais animer, je vais dépasser. Envie de m'éclater. Hello baby, come to me. Baby, come to me. Show me what I want to see. La hot gamma, Elga Elegant. My Gavana, je n'y ai pas l'eau. Jerika Bamba, je donne le roi. Mais n'a pas si je n'ai pas la vie. Papi Kaname, DJ Dadi. Si je t'aime, ça gagne. Karine Mokon, si la baronne. En pas de terre, Moutamba. Claude Nayamba, j'ai connecté. Charles Léopoto. Doupi Nyusi. Dada Platine Mouyumba. DJ Chiki. Yeka, Kasereka. Yeka, Ingani. La lettre Z de papa nanoune, yoga ina. Get me. Yeah. Ha ha ha ha.